pas du tout, Nadal. Si j'en avais... Vous avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en... C'est pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais... J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Je sais pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais... J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Je sais pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais... Pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution, vous? Oh, moi, pas du tout, Nadal. Si j'en avais eu, si j'en avais une, je serais président de la République.